Session 4 de Le blé en herbe par Colette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 10. Tu vas tomber, Vinka. Ton espadrille est défaite. Attends. Phil se baissa vivement, saisit les deux rubans de laine blanche et les croisa sur une cheville brune, frémissante, sèche, jambe de bête fine, faite pour la course et le saut. Un épiderme durci. Des cicatrices nombreuses n'en masquaient pas la grâce. Presque pas de chair sur la ceinture légère, juste assez de muscles pour assurer le galbe. La jambe de Vinka n'éveillait pas le désir, mais l'espèce d'exaltation que l'on voue à un style pur. « Attends, je te dis, je ne peux pas rattacher tes cordons si tu marches. Non, laisse !» Le pied nu, chaussé de toile, glissa entre les mains qui le tenaient et franchit comme s'il s'envolait la tête de Phil agenouillée. Il perçut l'odeur d'esprit de lavande, de linge repassé et d'algue marine qui composait le parfum de Vinka et la vie à trois pas de lui. Elle le regardait de haut en bas et lui versait la lumière assombrie et troublée de ses yeux, dont le bleu refusait d'imiter les nuances changeantes de la mer. « Qu'est-ce qui te prend? En voilà des caprices! Je sais rattacher une sandale, peut-être! Je t'assure, Vinka, tu deviens impossible !» La posture chevaleresque de Phil seyait mal à son visage enfoncé de dieu latin, doré, couronné de cheveux noirs, à peine menacé dans sa grâce par l'ombre, poil dru demain, duvet de velours aujourd'hui, de la moustache future. Vinka ne se rapprochait pas de lui. Elle semblait étonnée et essoufflée, comme si Phil lui poursuivit. « Qu'est-ce que tu as? Je t'ai fait mal? Tu as une épine ?» Elle répondit non d'un signe, s'adoucit, tomba assise parmi la sauge et les renouées roses, tira l'ourlet de sa robe jusqu'à ses chevilles. Une célérité anguleuse et plaisante, un équilibre exceptionnel, comme un don chorégraphique, gouvernait tous ses mouvements. Sa tendre et exclusive camaraderie avec Phil l'avait formée au jeu garçonnier, à une rivalité sportive qui ne cédait pas encore devant l'amour, née cependant en même temps qu'elle. Malgré la force, chaque jour monstrueusement accrue, qui jassait hors d'eux peu à peu la confiance, la douceur, malgré l'amour qui changeait l'essence de leur tendresse, comme l'eau corollée qu'elles boivent change la couleur des roses, ils oubliaient quelquefois leur amour. Philippe ne soutint pas longtemps le regard de Vinka, dont l'azur assombri ne contenait aucun reproche. Elle paraissait seulement surprise et respirait vite, comme la biche qu'un promeneur rencontre en forêt et qui balance, émue, au lieu de gagner le large. Elle interrogeait son propre instinct, plutôt que le jeune garçon agenouillé dont elle avait fui la main. Elle savait qu'elle venait d'obéir à la défiance, à une espèce de répulsion, non à la pudeur. Il n'était pas question de pudeur aux côtés d'un si grand amour. Mais la pureté vigilante de Vinka percevait, par des avertissements soudains, une présence féminine auprès de Philippe. Il arrivait qu'elle flaira l'air autour de lui, comme s'il eût en secret fumé ou mangé une friandise. Elle interrompait leur causerie par un silence aussi impérieux qu'un bond, par un regard dont il sentait le choc et le poids. Elle délivrait sa main de la main amie, plus petite mais moins fine que la sienne, où sa main reposait pendant la promenade sur la route avant le dîner. Sa troisième, sa quatrième visite à Madame Dalleret, Phil les avait sans peine cachées à Vinka. Mais que valait la distance et les murailles contre l'antenne invisible qui, d'une âme éprise, s'élance, palpe, découvre la flétrissure et se replie. Greffé sur leur grand secret, le petit secret parasite tarait Philippe, innocent en fait, une difformité morale. Vinka maintenant le trouvait doux lorsqu'il eût dû, confiant dans son despotisme d'amant fraternel, la traiter en esclave. Un peu de l'aménité des maris infidèles se glissait en lui et le rendait suspect. Ayant morigéné l'étrange humeur de Vinka, Philippe garda cette fois son air rogue et reprit le chemin de la villa en se retenant de courir. Goûterait-il dans une heure à Kerana, quand Madame Dalleret en avait prié? Prié? Celle-là ne savait qu'ordonner, et conduire avec une dureté dissimulée celui qu'elle élevait au rang de mendiant et d'affamé. Mendiant rebelle à l'humilité et qui pouvait, loin d'elle, songer sans gratitude à la verseuse de boissons fraîches, à la peleuse de fruits, dont les mains blanches servaient et soignaient le petit passant novice et bien tourné. Mais faut-il nommer novice l'adolescent que l'amour a, dès l'enfance, sacré homme et gardé pur? Où elle eût trouvé une victime facile, enchantée de se soumettre, Madame Dalleret rencontrait un antagoniste ébloui et circonspect. La bouche altérée et les mains tendues, le mendiant ne prenait pas figure de vaincu. « Il se défendra, conjoncturait-elle, il se garde. » Elle n'en était pas encore au point de dire « Elle le garde !» Philippe put crier de la maison à Vinca, restée sur le pré sableux. « Je vais chercher le second courrier, tu n'as pas de commission ?» Un signe de refus tendit autour la tête de Vinca, ses cheveux égaux en roues ensoleillées, et Philippe se jeta sur sa bicyclette. Madame Dalloret ne semblait pas l'attendre et lisait. Mais l'ombre étudiée du salon, la table presque invisible d'où montaient les odeurs de la pêche tardive, du melon rouge de Chypre coupé en croissant d'astre et du café noir versé sur la glace pilée, le renseignèrent. Madame Dalloret laissa son livre et lui tendit une main sans se lever. Il voyait dans l'ombre la robe blanche, la main blanche. Les yeux noirs, isolés dans leur halo de bistre, bougeaient avec une lenteur inaccoutumée. « Peut-être que vous dormiez ?» dit Phil, en se forçant à une obligeance mondaine. « Non, certainement non, il fait chaud. Vous avez faim ?»« Je ne sais pas. » Il soupira, sincèrement indécis, pris, dès l'entrée à Kerana, d'une sorte de soif et d'une sensibilité aux odeurs comestibles qui eût ressemblé à l'appétit si une anxiété sans nom n'eût en même temps serré sa gorge. Son hôtesse se servit pourtant, et il luma sur une petite pelle d'argent la chair rouge du melon poudré de sucre, imprégné d'un alcool léger à goût d'anis. « Vos parents vont bien, monsieur Phil ?» Il la regarda surpris. Elle paraissait distraite et ne semblait pas avoir entendu sa propre voix. Du bord de sa manche, il accrocha une cuillère qui tomba avec un son de clochette faible sur le tapis. « Maladroit, attendez !» D'une main, elle lui saisit le poignet. De l'autre main, elle releva jusqu'au coude la manche de Phil et garda fermement dans sa main chaude le bras nu. « Laissez-moi !» cria Phil très haut. Il fit un violent mouvement du bras. Une soucoupe se brisa à ses pieds. Dans le bourdonnement de ses oreilles, tintait l'écho de cris de Vinca. « Laisse !» Et il tourna vers Madame Dalloret, un regard plein de courroux et de questions. Elle n'avait pas bougé, et la main qu'il avait rejetée gisait ouverte sur ses genoux, comme une conque creuse. Philippe mesura longuement cette immobilité significative. Il baissa la tête, fit passer devant lui deux ou trois images incohérentes, inéluctables, de vol, comme l'on vole en songe, de chute, comme l'on choie en plongeant, à l'instant où les plis de l'onde vont joindre le visage renversé. Puis, sans élan, avec une lenteur réfléchie, avec un courage calculé, il remit son bras nu dans la main ouverte. Chapitre 11. Quand Philippe sortit de chez la dame en blanc, il pouvait être 1h30 du matin. Il avait dû attendre pour quitter la villa familiale, que tous les bruits et les lumières y fussent éteints. Une porte vitrée, fermée au loquet, une barrière de bois que son propre poids rabattait, au-delà la route, la liberté. La liberté ? Il avait marché vers Kerana, chargé d'entraves, parfois s'arrêtant pour aspirer l'air, la main gauche posée sur le cœur, la tête basse, puis levée, comme un chien qui aboie à la lune. En haut de la côte, il s'était retourné, pour apercevoir à mi-falaise la maison où dormaient ses parents, les parents de Vinca. Et Vinca, la troisième fenêtre, le petit balcon de bois. Elle devait dormir derrière cette paire de volets clos. Elle devait dormir, tourner un peu de côté, la figure sur son bras, comme une enfant qui se cache pour pleurer, ses cheveux égaux ouverts en éventail de la nuque à la joue. Il l'avait vue si souvent dormir depuis leur enfance. Il connaissait cette attitude chagrine et douce qu'elle ne prenait que dans le sommeil. La crainte de l'éveiller télépathiquement détournait bientôt Philippe vers la route, blanche dans la nuit laiteuse du premier quartier de la lune et qui guidait ses pas. L'anxiété, l'amour à peine alangui au fond d'un sommeil d'adolescente, il les avait sentis, vigilants, se suspendre à lui. Leur poids, bien plus que la peur froide qui glace un garçon de 16 ans sur le chemin de sa première aventure, leur poids allait peut-être changer en corvée l'épreuve et l'orgueilleux délire en curiosité sans courage. Mais il n'avait balancé qu'un moment, avant de précipiter sa course, avec le même geste de suffocation et d'appel à la lune, sur l'autre versant de la côte qu'il venait, au retour, de gravir plus lentement. 2 heures, compta Philippe, l'heure étendue vers l'horloge du village. Les 4 quarts cristallins, les 2 heures graves, voyagèrent mollement dans la brume saline et tiède. Il ajouta rituellement. Le vent a tourné, on entend l'horloge de l'église, c'est changement de temps. Et le son de la phrase familière lui parvint de très loin, d'une vie révolue. Il s'assit sur le rebord gazonné d'une plate-bande devant la villa, pleura brusquement et se fit honte de ses larmes, jusqu'au moment où il prit conscience qu'il pleurait avec plaisir. Quelqu'un à côté de lui exhala un grand soupir. Le chien du gardien, indistinct à ses pieds, somnolait sur l'allée sablée. Phil se pencha, caressa le poil, le sanglier, le nez sec de la bête amie qui n'avait pas aboyé. « Fanfare, mon vieux Fanfare !» Mais le chien, âgé et d'un caractère breton, se leva et s'alla recoucher hors de portée, avec un bruit de vieux sac. La marée de Morte-Eau, endormie sous la brume au bas du pré, envoyait à la plage une petite vague exténuée, qui claquait faiblement comme un linge mouillé de minute en minute. Aucun oiseau ne veillait, or une chevêche qui imitait narquoisement le chat, tantôt à la cime d'un tremble plus blanc que la brume, tantôt sur la haie de fusain. Lestement, la pensée de Philippe réintégra le décor familier et méconnaissable. Cette paix nocturne qui dépossède l'homme lui offrait le refuge, la transition nécessaire entre sa vie ancienne, son doux pays de tous les étés, et le lieu, le climat, où tournoyait un indiscernable orage de couleurs, de parfums, de lumière, dont la source dissimulée épandait un dard aigu ou une nappe pâle et restreinte, de meubles et de fleurs qui semblaient perdre leur équilibre et montrer, ceux-là leurs maigres jambes de biche, celles-ci le dessous pelucheux de leurs feuilles, leurs tiges rigides dans une eau pure. Le lieu, le climat traite, où une main, une bouche de femme, déchaînait à leur gré l'anéantissement d'un univers tranquille. Le cataclysme qu'avait béni, comme le pont lumineux qui se lève dans le ciel après la foudre, l'arc d'un bras nu. Du moins, cette tourmente qu'il venait de traverser, il la laissait derrière lui. Il n'en rapportait avec lui qu'une fatigue de nageur, une mansuétude vague et universelle de naufragés touchant terre. Plus favorisés que tels jeunes hommes qui viennent, souvent en se déchirant eux-mêmes, d'échanger une longue angoisse, féconde en rêverie illimitée, contre un plaisir qui désormais bordera leurs rêves, ils revenaient, lourds seulement de stupeur normale, conscients, à la manière du buveur gorgé, qui sent osciller quand il bouge, la masse refroidie du vin, d'où s'évada l'esprit, brûlant et léger. Le jour était loin encore, mais déjà une moitié de la nuit, plus claire que l'autre, divisait le ciel. Un très petit animal, hérisson ou rat, gratta la terre entre-temps. Le premier souffle avant-coureur de l'aurore roula sur l'allée quelques pétales, les délaissa, s'évanouit, et tout redevint immobile. 3 heures s'égrenèrent rêveusement à l'horloge lointaine. La première limpide et proche, les deux autres étouffées d'une bouffée de vent. Un couple de courlis passa au-dessus de Philippe, assez bas pour qu'il entendît le cri de voilure de leurs ailes tendues, et leur piaulement sur la mer plongea, dans la mémoire ouverte et sans défense de l'adolescent, jusqu'au fond de 15 années pures, suspendu à un rivage blond, à une enfant qui, à ses côtés, grandissait, portant sa tête blonde et droite comme un épi. Il se leva, avec un effort physique pour se reconnaître, pour obliger celui qui venait de se reposer là, près de la barrière blanche, près du chien couché, à être le même que celui qui, la veille, se tournait avec crainte vers Karana, en s'appuyant vers la barrière blanche, en caressant distraitement le chien couché. Mais il ne le put. Il passa sur son visage ses 2 mains chaudes, qui lui semblèrent plus douces que de coutume, imprégnées d'un parfum qui s'envolait quand il le voulait fixer sous ses narines, mais qui vibrait alentour, comme fait l'arôme de certaines plantes indifférentes à feuilles fragiles. À cet instant, la lueur d'une lampe entre les lames des persiennes brilla et s'éteignit peu après dans la chambre de Vinca. Elle ne dort pas. Elle vient de regarder l'heure. Pourquoi ne dort-elle pas? À travers les murs, il sut comment, d'un bras étendu, Vinca avait allumé la lampe, regardé la petite montre suspendue au lit de cuivre, puis rejeté sur l'oreiller en éteignant la lampe sa tête et sa chevelure qui sentaient l'enfant soigné et la lavande. Il sut qu'à cause de la nuit lourde, une épaule brunie, jarretée de blanc, à la place où l'épaulette du maillot de bain la gardait du soleil, demeurait nue, et la forme du long cœur vigoureux de son ami, corps familier, pourvu chaque année de beautés nouvelles et prévues, lui apparut pour le frapper de stupeur. Qu'y avait-il de commun entre ce corps, entre l'emploi que l'amour en pouvait faire, entre ses fins inévitables, et la destinée d'un autre corps de femme, voué à des raptes délicats, doué d'un génie spoliateur, d'une implacabilité passionnée, d'une enchanteresse et hypocrite pédagogie? Jamais, dit-il à voix haute. Hier encore, il mesurait, d'un cœur patient, le temps au bout duquel Vinca lui appartiendrait. Aujourd'hui, pâli d'un enseignement qui laissait à son corps le tremblement et la suavité de la défaite, Philippe reculait de tout son être devant une image insensée. Jamais ! L'aube venait, rapide. Mais aucun vent ne chassait la brume saline, où le rouge de l'aurore levante gagnait par nappe. Philippe franchit le seuil de la villa, monta sans bruit vers sa chambre, qu'une nuit étouffante emplissait encore, et il ouvrit les volets, avec la hâte d'affronter dans un miroir sa nouvelle figure d'homme. Il vit, dans un visage que la lassitude amincissait, des yeux languissants, agrandis par leur cerne, des lèvres qui, d'avoir touché une bouche rougie, demeuraient un peu fardées, des cheveux noirs en désordre sur le front, des traits plaintifs, et moins pareils à ceux d'un homme qu'à ceux d'une jeune fille meurtrie. Chapitre 12. Les cris des Chardonnerets, au moment où Philippe s'endormit, réclamaient déjà les graines que Vinca leur jetait à poignées le matin. Le palpitant sommeil de Philippe souffrit de leurs cris légers, et son demi-songe les muait en petits copeaux de métal roulés, arrachés aux casques douloureux qui coiffaient son crâne. Le trop beau jour retentissait de poules pondeuses, d'abeilles, de bateaux à blé quand il s'éveilla tout à fait. La mer verdissait, rebroussée par le vent frais du nord-ouest, et Vinca riait, vêtu de blanc sous la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Hé, Phil, c'est la maladie du sommeil ?» Et les ombres familières, devenues presque invisibles, comme la tache ancienne du mur, comme le lierre ou le lichen, les ombres dédaignées par les deux adolescents, répétaient autour d'elle. « Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Il a mangé du pavot ?» Il le regardait du haut de sa fenêtre. Il avait la bouche entrouverte, une sorte d'horreur ingénue sur ses traits, et une telle pâleur que le rire de Vinca s'éteignit, éteignant les autres rires. « Oh, mais tu es malade ?» Il se rejeta en arrière, comme si Vinca lui ait lancé un caillou. « Malade ? Tu vas voir si je suis malade. D'abord, quelle heure est-il ? » Les rires reprirent en bas. « On sort mon quart, grande marmotte. Viens te baigner !» Il acquiesça de la tête, referma la fenêtre, et les vitres tendues de tulle le refoulèrent vers l'abîme nocturne où le remous d'un souvenir s'étirait, noir, honteux, prélassé entre des saillies lumineuses qui se hissaient au jour et y prenaient la couleur de l'or, de la chair, l'éclat d'un œil mouillé, d'une bague ou d'un ongle. Il jeta sa chemise de nuit, entra impétueusement dans son maillot de bain et au lieu de descendre, demi-nu comme tous les jours, il noua soigneusement la corde de son peignoir. Vinca l'attendait sur le pré de mer et cuisait paisiblement au soleil ses hautes jambes, ses bras déliés d'un brun roux de pain campagnard. Le bleu incomparable de ses yeux, sous le foulard bleu d'étain, emplit Philippe d'une soif d'eau fraîche, d'un désir de lame salée et de brise. En même temps, il contemplait la force évidente d'un corps chaque jour féminisé, les durs genoux ciselés finement, les longs muscles des cuisses et les reins fiers. « Comme elle est solide !» pensa-t-il avec une sorte de crainte. Ils plongèrent ensemble, et tandis que Vinca battait joyeusement des jambes et des bras, le flot faible, et crachait l'eau en chantant, Philippe, pâle, luttait contre son frisson et nageait les dents serrées. Les pieds nus de Vinca ayant serré l'un de ses pieds, Phil cessa soudain de nager, coula à pic et reparut quelques secondes après. Mais il n'usa point de représailles et méprisa les us quotidiens, cris, joutes et combats de phoques qui faisaient de leur bain la meilleure heure de la journée. Le sable chaud les reçut et ils s'étrièrent en conscience. Vinca, armé d'un galet, visa un petit récif cornu, l'atteignit à 50 mètres. Et Philippe s'émerveilla avec défiance, oubliant qu'il avait formé lui-même sa petite amie à ses jeux garçonniers. Il se sentait doux, supérieur à lui-même, voisin de la défaillance. Et nulle arrogance masculine ne révélait qu'il avait fui la maison de son enfance la nuit d'avant pour courir à sa première aventure d'amour. « Midi, Phil, midi qui sonne à l'église, tu entends ?» Debout, Vinca secoua les pointes humides et égales de ses cheveux. Ses premiers pas vers la villa écrasèrent un petit crabe qui craqua comme une noix, et Philippe eut une crispation pénible. « Quoi ?» dit Vinca. « Tu as écrasé ce petit crabe ?» Elle se retourna, montra au grand soleil ses joues comme la pêche brune, ses yeux d'un bleu définitif, ses dents blanches et le rouge intérieur de sa bouche. « Après, c'est le premier ? Et quand tu appâtes le havenet avec un crabe découpé ?» Elle courut devant Philippe et franchit d'un saut un creux de dune. Pendant un fragment de seconde, il la vit suspendue, détachée de la terre, les pieds joints, penchée et les bras arrondis, comme si elle cueillait une brassée d'air. « Je croyais qu'elle était douce, » songea Philippe. Le déjeuner l'empêcha de rejoindre ce souvenir nocturne, assoupi à 7 heures du milieu du jour, émouvant à peine au fond de son gîte noir. Il subit des compliments sur sa pâleur poétique, des critiques sur son silence et son manque d'appétit. Vinca dévorait et rayonnait d'une blessante allégresse. Phil l'observait sans bienveillance, Notait la vigueur des mains, concassant le homard, l'altier mouvement du cou, rejetant les cheveux. Je devrais me réjouir, pensait-il, elle ne se doute de rien. Mais en même temps, il souffrait de cette sérénité inexorable et exigeait, au fond de lui-même, que Vinca fût tremblante comme une graminée, consternée d'une trahison qu'elle eût dû sentir errer comme un de ces orages hésitants qui tournent l'été autour de la baie bretonne. Elle dit qu'elle-même, elle-même, elle était pourtant plus inquiète, avant. Après le déjeuner, Vinca dansa avec Lisette au son du phonographe. Elle exigea que Philippe dansât aussi. Elle consulta le calendrier des marées, prépara les filets pour la marée basse de 4 heures, environna Philippe et la villa de cris de lycéens, d'appels à la ficelle goudronnée, au vieux couteau de poche, répandit sur ses pas l'odeur de son chandail de pêche troué qui sentait l'iode et l'algue. Philippe, là, envahi enfin du sommeil qui suit les catastrophes et les très grands bonheurs, la suivait d'un regard vindicatif et serrait nerveusement les poings. « Ce qu'avec 3 mots, je la ferais taire !» Mais il savait qu'il ne dirait pas les 3 mots, et il languissait de l'envie de dormir dans un creux de sable chaud, la tête sur les genoux de Vinca. Ils trouvèrent le long de la côte des crevettes, des trigles, qui gonflaient d'air pour épouvanter l'agresseur, leur éventail de nageoires et leur gorge arc-en-ciel. Mais Phil suivait mollement les petits gibiers du roc et de la vague. Il endurait mal le soleil, reflété dans les flaques, et glissait comme un novice sur les chevelures gluantes des austères. Ils capturèrent un homard, et Vinca fourgonna terriblement le quai où habitait un congre. « Tu vois bien qu'il y est » cria-t-elle en montrant le bout du crochet de fer, teint de sang rose. Phil pâlit et ferma les yeux. « Laisse cette bête » dit-il d'une voix étouffée. « Penses-tu ? Je te garantis que je l'aurai, mais qu'est-ce que tu as ?»« Rien !» Il cachait de son mieux une douleur qu'il ne comprenait pas. Qu'avait-il donc conquis la nuit dernière dans l'ombre parfumée, entre des bras jaloux de le faire homme et victorieux? Le droit de souffrir? Le droit de défaillir de faiblesse devant une enfant innocente et dure? Le droit de trembler, inexplicablement, devant la vie délicate des bêtes et le sang échappé à ses sources? Il aspira l'air en suffoquant, portant les mains à son visage et éclata en sanglots. Il pleurait, avec une violence telle qu'il dut s'asseoir, et Vinca se tint debout, armé de son crochet mouillé de sang, comme une tortionnaire. Elle se pencha, n'interrogea pas, mais écouta en musicienne l'accent, la modulation nouvelle et intelligible des sanglots. Elle étendit une main vers le front de Philippe et la retira avant le contact. La stupeur quitta son visage, où montèrent l'expression de la sévérité, une grimace amère et triste qui n'avait point d'âge, un mépris tout viril pour la faiblesse suspecte du garçon qui pleurait. Puis, elle ramassa avec soin son cabas de raffia, où sautaient des poissons, son havenet, passa son crochet de fer à sa ceinture comme une épée, et s'éloigna d'un pas ferme, sans se retourner. Fin de la section 4.